Les Sud-Coréens exaltent les espoirs de la réunification de la patrie du président Kim Il-sung. Kwak Dong-gi, chercheur permanent de l'Institut de notre société et autres, ont indiqué comme ce qui suit. Le président Kim Il-sung a rencontré le 3 mai 1972 la délégation du côté sud en visite à Pyongyang. En audience, il a présenté les trois principes de la réunification de la patrie pour réaliser la réunification par voie indépendante et pacifique par la Grande Union nationale. Après 2 mois, la déclaration commune sud-nord basée sur la réunification indépendante et pacifique et la Grande Union nationale, principe commun de la réunification de la nation que le Sud et le Nord ont adopté pour la première fois dans l'histoire de la division, a été publiée le 4 juillet. La base du mouvement de la réunification de la patrie a été jetée grâce à la direction dynamique du président Kim Il-sung. Par ailleurs, les presses progressistes et les commentateurs de la Corée du Sud ont souligné comme ce qui suit. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que nous discuterons à cœur ouvert des problèmes de la nation et de la réunification avec tous ceux qui désirent sincèrement la paix et la réunification de la nation. C'est une déclaration historique pour réaliser les trois principes de la réunification de la patrie et les déclarations communes Sud-Nord.